Stagnation. Les larmes de joie ont un goût délicieux. Je m'étais toujours dit que si j'arrivais jusqu'ici et que je ne faisais qu'un feu, c'était déjà une réussite. Trop excitée, c'est en coupant du bois pour ce premier feu que je me donnais mon premier coup de machette rabat-joie. La manipulation de cet outil demande une dextérité qui est comparable à celle d'un stylo. Un art qui demande des années d'expérience. Après m'être lavée dans une baignoire naturelle, et m'être soignée en enroulant ma blessure d'un tissu imprégné d'urine, je me réchauffais auprès du feu, le foyer initial. Puis je passais dans ce sous-bois une nuit paisible, lieu que nous, moi et la population, appellerons par la suite la maison du boa, car je le croisais fortuitement quelques mois plus tard, quasiment au même endroit. Le lendemain, retour à la ville de la Lance de Samba, en passant cette fois-ci par le village de la Vallée aux Épinards, où je rencontrais mes futurs et très bons amis. Sachant maintenant avec certitude que le chemin pour rejoindre le lieu de construction du haut fourneau était impraticable pour mon fourgon maison, je décidai de m'en séparer. Après avoir démonté et stocké chez le pharmacien aubergiste tout ce qui pourrait m'être utile, je retournai à la grande ville de Bagnaud pour vendre ce véhicule. L'accueil des autorités administratives officielles, parasites, fut glacial, car ils n'avaient jamais imaginé que j'arriverais jusqu'à la vallée de la construction. Maintenant, ils voulaient m'empêcher d'y retourner et dressèrent un procès-verbal à cet effet. Il avait été rédigé par un secrétaire de police d'une stupidité transpirante. Un tissu imbibé de mensonges que je refusais de signer. Devant mon entêtement, ils m'envoyèrent sous escorte policière m'expliquer avec le gouverneur. Mis en place par la dictature, il siégeait à 200 km dans la ville de Ngaoundéré, où j'étais passé 2 mois plus tôt. Après avoir passé une première nuit dans le hall du commissariat, le lendemain soir, ils me mirent dans une cellule avec 25 autres humains. C'était ma première nuit enfermée, mais j'aurai malheureusement beaucoup d'autres occasions de vous parler des conditions de détention. Cependant, je me sentais plus libre dans la cellule que dans un hall entouré par des connards de comptoir. Au matin, 5 militaires débiles me conduisirent chez l'opulent gouverneur. Après une brève discussion, il téléphona à son collaborateur subalterne, le préfet de Bagnaud, et ordonna « Laissez-le libre de circuler jusqu'à la fin de son visa et libre de vendre son fourgon comme bon lui semble. » De mon côté, je m'engageais à quitter la zone des crevettes, le territoire camerounais, à l'expiration de mon visa, promis, juré. De retour à Bagnaud, le préfet ne savait pas que j'avais entendu les ordres que lui avait donné son supérieur. Il a joué la mythomanie et je l'ai coincé. Ensuite, il voulut me faire croire qu'il me faisait une faveur, alors qu'en petit soldat, il s'était soumis à sa hiérarchie nationale coloniale dont sa vie dépend. Je vends mon véhicule 500 €. Encore une superbe affaire pour l'acheteur. Mes conditions de vente étaient toujours les mêmes. Il devait me promettre que le fourgon ne transporterait jamais de choses nuisibles à la vie. Son projet était de transporter des œufs. Finalement, j'ai appris qu'il a été transformé en minibus. Après une salutation majeure aux administrateurs de Bagnaud, je pris la moto pour rejoindre mes affaires à la Lance de Samba. Ma mission était maintenant de transporter le nécessaire sur le lieu de construction. La première partie du chemin se fit à dos d'âne jusqu'au gué dit de Sarki. La rivière Yim étant trop haute, les ânes ne pouvaient la traverser. Pour information, les ânes paniquent dans l'eau et certains disent qu'ils ne savent pas nager. Après m'être moi-même chargé de faire traverser mes affaires, je les stockais chez Sarki. C'est une personne très influente dans la vallée, il est le leader des éleveurs. Je logeais une semaine chez lui. Il était très communicatif et un affairiste de première. Il comptait à cette époque 5 femmes et 21 enfants. Un chiffre et un nombre en progression. Sa force venait qu'il était très curieux, érudit, et toujours à la recherche de nouveaux moyens de production. Ici, le capital, c'était du vivant. Un capitaine capitaliste générant de la vie, très respecté. Nous ne parlions pas les mêmes langues, mais avec quelques dessins et associations avec la matière du fer, il comprit très vite l'intérêt d'un haut fourneau près de chez lui. En plus, il était aussi loin d'être avare. Il m'emmena participer à son quotidien, marmite en alu, rassembler les troupeaux sans cloche, la traite dans des vieux bidons en plastique, la culture du maïs, 2 outils en fer, machette et pelle, la réparation du moteur du moulin, du gasoil brûlé dans du fer, pas de pont, de tuyaux. Parallèlement, je mis à profit ces quelques jours pour organiser le transport du reste de mes affaires à dos d'homme jusqu'au village de la vallée aux épinards. Après leur avoir fait une visite pour me présenter, mais aussi après avoir testé le parcours lors de deux voyages avec des sacs, une dizaine d'hommes sont venus pour ramener le reste de mes sacs sur 20 km de chemin avec 25 kilos chacun. Pas cadeau, ils les ont portés à tête d'homme, des vrais. Je vais vivre avec eux pendant 3 ans. Au départ, j'avais loué 10 euros une petite case pour 2 mois. Nous étions en pleine saison des pluies, le temps d'avoir un abri sur le lieu déterminé. Cette maisonnette me permit de garder mes affaires au sec. Le village de la vallée aux épinards. Premièrement, c'est loin des décors et des clichés plantés dans l'imaginaire. Ici, ça pousse, c'est vivant. Comme tous les villages, celui-ci est construit sur une petite colline. Il est constitué d'une 50aine de maisons en terre avec des toits en herbe, chaume. Elles sont implantées de part et d'autre d'une avenue principale, au sommet de laquelle trône un immense manguier. C'est l'arbre à palabre. Historiquement, c'est le premier arbre qui fut planté dans le village. Autour, la centaine d'habitants exploitent les terres fertiles qui sont déposées en contrebas par la confluence des trois rivières. Ce sont donc des agriculteurs parlant le niam-niam et originaires de l'Est. Il y a beaucoup d'enfants et la moyenne d'âge est inférieure à 25 ans. Petite particularité, mais grand effet, il y a plus de femmes que d'hommes. À l'origine, la première famille bâtit sa maison et a planté un manguier ici, il y a 50 ans. Elle est donc naturellement la famille du chef responsable du village, mais ne vous imaginez pas une dictature, c'est l'inverse. Le fonctionnement est anarchique. Ils doivent vivre en totale autonomie pendant 4 mois de l'année. Chacun a ses spécialités et les décisions sont prises de façon collégiale, sous l'arbre à palabre. Le but étant de vivre. Effectivement, il y a le respect dû à l'ancienneté et des réunions presque exclusivement masculines. Cependant, on sent que l'Assemblée ne valide que les résultats des discussions qui ont eu lieu autour des marmites. Le chef responsable du village a plus de 60 ans, très rare, une personne très souriante, malgré les 2 ou 3 dents qui lui restent. De ma vie, je n'ai jamais vu une personne aussi joyeuse, et on comprend très aisément qu'il ait fédéré autant de foyers autour de lui. Aujourd'hui, son âge se fait ressentir. Il ne peut qu'à très grande peine se déplacer. Mais ses 10 enfants, princes et princesses de la vallée aux épinards, ont pris le relais. Chose importante à savoir, c'est que le prochain chef responsable sera élu parmi ses enfants. Il n'y a pas le droit d'aînesse, priorité au premier fils, l'aîné. Donc ses enfants et ses petits-enfants doivent se comporter d'une façon exemplaire pour espérer un jour devenir chef responsable du village. Responsable est beaucoup plus adapté que chef. Son rôle est principalement de répondre des décisions officielles du village. Autour de lui, d'autres personnes ont aussi une importance équivalente en responsabilité, comme l'imam, le boutiquier boulanger-meunier, le chauffeur de moto, le tailleur-outilleur, les agriculteurs, les chasseurs et également les mères maquerelles propriétaires des restaurants. Le dynamisme de ce village est extra. Quand une décision est prise, tout le village y participe. Exemple, réparer la mosquée, construire une école, faire une nouvelle route, cultiver les champs du chef trop vieux. Ils accueillaient tout le monde, mais force est de constater que ceux qui s'y installent étaient ceux qui étaient rejetés du moule de la société urbaine uniforme. La diversité morphologique et mentale était remarquable. Ici, personne ne juge sur l'apparence physique ou le caractère, mais sur le bénéfice en vie. Ici, il n'y a pas de code, il n'y a pas de télévision, pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, et par exemple, ils n'avaient jamais vu une personne d'un autre continent. Certains avaient cru que j'étais un Chinois, pourquoi pas. Pour la communication, mon principal interlocuteur est Karim, le tailleur-outilleur, qui parle le français et qui devint un ami, bon et nécessaire. Il traduisait les informations concernant mon projet. Les autres parlaient le niam-niam et le full-full-day pour le commerce. Des langues que je regretterais de n'avoir pas assez bien maîtrisées. À mon arrivée, en août, la première étape fut de savoir précisément où était le bord du panier, la frontière. J'avais promis de quitter la nasse aux crevettes, le territoire camerounais, et je tiens mes promesses. Ici, c'est un espace où tous les habitants, éleveurs comme agriculteurs, sont avant tout des montagnards. Les cartes définissent artificiellement une frontière à 650 mètres après la confluence des trois rivières. À l'aide d'une branche de 5 mètres, je découvris que cette frontière imaginaire avait été tracée en suivant la ligne de crête de certaines montagnes. Notez bien que dans la nature, il est extrêmement rare que trois rivières de même taille se rejoignent en un même point. Ce lieu extraordinaire est logiquement là où l'eau a pu creuser un passage vers l'ouest, dans ce massif montagneux orienté nord-sud. Je décidai de m'installer à 100 mètres après la percée et 750 mètres en aval de la confluence. J'étais donc officiellement sur le bord intérieur d'un autre panier, celui du Nigeria. Il était plus réaliste de dire que je quittais une zone militarisée sous la tutelle de Bolloré Castel-Mitterrand pour la zone militarisée par Total Elf Fina, avec comme chance d'être dans un parc financé par la WWF. Les deux premières entités, capitalistes mais fictives pour la vie, n'avaient jamais mis les pieds ici. L'autorisation des villageois est infiniment plus importante et elle m'était accordée. J'y vais donc m'installer en construisant un campement sommaire, c'est-à-dire un morceau de toit sur quatre piquets pour la cantine et une bâche au-dessus de mon hamac pour la nuit. Nous sommes au mois d'août, à 1000 mètres d'altitude. Ne vous imaginez pas qu'il fait toujours chaud, plus de 30 degrés. La nuit, la température tombe au-dessous de 10 degrés. De plus, c'est la saison des pluies et des trombes d'eau s'abattent et dévalent les pentes des montagnes. Un orage tropical n'a rien à voir avec une pluie européenne. En une heure, il remplit d'eau un saladier. Si vous multipliez ce saladier par la surface du bassin et que vous prenez en considération que je me trouvais après l'embranchement des trois rivières, vous pouvez avoir une vague idée de la quantité d'eau et de sa puissance en arrivant à mon niveau. J'étais mal préparé. Je suis tombé malade après quelques jours, sûrement une grosse sinusite, mais le problème était l'isolement. J'étais à 4 km du village et sur l'autre rive de la rivière Yim. À cette saison, personne ne passe par là. Heureusement pour moi, la famille de l'aîné du responsable avait fait son champ du même côté et un peu plus bas. Il devait donc traverser la rivière à la nage, puis affronter les hautes herbes, 2 à 4 mètres de haut, pour aller cultiver leur maïs. Après 3 jours de mal de tête et de vomissements, ils me trouvèrent dans mon hamac mal en point, en boule. Je leur donnai donc de l'argent pour aller à la Lance de Samba m'acheter des médicaments. En les attendant, je n'arrivais plus à sortir du hamac, surtout que ma dernière expédition pour me faire à manger fut un fiasco. Faire un feu, quand tout est mouillé, est un gros travail. Il faut d'abord trouver un arbre mort, qui ne soit pas encore couché. Puis il faut l'abattre. Quand vous avez de la fièvre, c'est un calvaire. Chaque coup de hache vous remonte et résonne. C'est un casse-tête. Une fois l'arbre à terre, c'est loin d'être fini, car il faut ensuite le débiter et notamment faire des bûches qui passent par le cœur du tronc. Au centre, le bois est toujours sec. C'est avec ce cœur d'arbre coupé en morceaux de plus en plus petits jusqu'à la taille allumette que le feu est démarré. Ce jour-là, 3 ou 4 heures pour obtenir une flamme et 1 heure de plus pour faire bouillir de l'eau. J'étais entêté contre l'utilisation du pétrole. Dans ces circonstances, c'était vraiment stupide. Surtout qu'après tant d'efforts pour faire cuire du riz, j'ai tout vomi. Le petit-fils du responsable, Amadou Prince, revint 3 jours après avec des antibiotiques et des beignets. Un grand merci à lui. Après 6 jours sans manger, j'étais trop faible pour continuer seul dans mon campement. Je décidai donc de revenir au village pour me requinquer. En arrivant, les habitants m'ont vu très affaibli, mais au bout d'une semaine et avec leurs très bons conseils, j'étais en forme. Durant ces quelques jours, je pris de la drogue, la plus dure et la plus addictive qui existe au monde. Très répandue en tout cas ici, c'est le top du top. Elle est non coupée, non dénaturée. Son nom scientifique, hydrate de carbone. Elle porte d'autres noms raffinés, mais sous sa forme brute, c'est le miel de jungle. Lorsque j'étais arrivée, j'avais une 20aine de bidons d'huile vide. Silas, le charpentier, est venu me dire que l'apiculteur voulait me les acheter. Comme je n'acceptais pas d'argent, car je les avais obtenus gratuitement, le deal fut le suivant. Contre 20 bidons vides, il me donnait un bidon de 10 litres plein de miel. C'est ainsi que lors de ma convalescence, je me retrouvais alité dans une petite case avec ce nectar. J'introduisis un bâton dans le goulot, puis, brutal, vous pourrez faire tous les restaurants du monde, vous ne pourrez pas trouver meilleur. Impossible. Depuis la nuit des temps, avant même d'être humain, les primates mangeaient du miel. C'est ce qui est défini par nos papilles comme étant le bon goût par excellence. Après 10 minutes à tremper le bâton, je pensais que la raison allait m'arrêter, mais c'est mon estomac qui le fit après 1 heure. Je dis bien miel de jungle, car dans les forêts sauvages, la diversité des fleurs est égale à la diversité biologique. La jungle est l'endroit où la diversité est la plus grande, et je vous promets que la diversité est très, mais très, très bonne. Loin d'être une excuse, c'est aussi un médicament, car le miel de jungle est un antibiotique naturel largement utilisé par les guérisseurs locaux. J'étais de nouveau d'attaque pour décoller vers le campement et poursuivre la construction du futur haut fourneau. Mais cela, c'était sans compter sur le téléphone arabe. Les nouvelles sur ma santé s'étaient propagées, avaient été déformées et amplifiées jusqu'à la lance de Samba. Je reçus une lettre de la gendarmerie me disant qu'elle allait envoyer des chevaux pour venir me chercher, car d'après leurs informations, j'étais mourant. De plus, des personnes avaient pris contact avec ma famille à ce propos. C'est une technique très largement utilisée. Quand ils savent qu'une famille ne pourra pas joindre un de ses membres, les arnaqueurs leur téléphonent en disant qu'il faut vite envoyer de l'argent, car leur frère ou fils, dans mon cas, est sur le point de mourir. Ils disent en avoir besoin urgemment pour le secourir ou le soigner. Mon frère n'étant pas au courant, il a payé 100 €. Et ma mère était en train de prendre un billet d'avion pour venir me secourir ou m'enterrer. Heureusement, j'arrivais à temps pour les prévenir de la magouille. Étant au lieu dit la cabine téléphonique, en haut d'une colline pour avoir du réseau, j'en profitais pour appeler mon cousin au Sénégal pour m'informer des avancées de l'Association des bureaux d'études humains. Il m'apprit une terrible nouvelle. Le connard du service des enregistrements des associations avait envoyé une lettre notifiant « Refus d'enregistrement car nom de l'association ne représentant pas son activité ». Ce toubab, ce boco, autorisait des associations qui s'appellent les aigles, les étoiles rouges, tous les statuts, les procès-verbaux et surtout les 50 000 euros de transfert de parts étaient rédigés avec le nom ABEH. J'étais à 5 000 km, sans moyen de me déplacer et il aurait fallu recommencer 5 ans de procédure. De toute façon, si j'étais rentrée, je lui aurais fait très mal. Pragmatiquement, il y avait plus de gains en vie à faire un haut fourneau. Alors tant pis pour l'officiel, qu'il crève. Ce jour-là, je me fis la promesse de transférer l'héritage de mon père à une organisation humaniste non affiliée à la France ou au Sénégal, colon mortifère ou colonie mortifiée. N'ayant plus de papiers en règle, mon visa ayant expiré, je repris immédiatement la route de la jungle. Au carrefour du ruisseau Léwal, c'est peut-être l'énervement, mais je pris une mauvaise décision, aller en moto à la ville de Serti, Nigeria, pour acheter quelques outils. Or, septembre est le pire moment pour circuler, car c'est la fin de la saison des pluies, donc la période où elles sont les plus dévastatrices, notamment pour les chemins boueux qui sont complètement ravagés par les passages des 4 mois précédents. C'est d'ailleurs à cause d'elles que le village de la vallée aux épinards est presque coupé du monde pendant cette période. À mon arrivée au village Léwal, je fais la rencontre d'un natif du village de Selbé, ce hameau étant le bout de la route praticable en moto vers l'ouest. Je conviens avec ce motoman de partir le lendemain matin pour son village natal. C'est John, un habitant du village Léwal, qui me l'avait présenté comme le spécialiste de ce chemin. J'apprendrai trop tard que John était le plus gros dealer de la vallée, drogue, alcool, pute et braconnage. À l'aube, je vois arriver le motoman avec des yeux aussi rouges que ceux d'un lapin albinos. Avant de partir, il fuma un joint, mais qui n'était ni le premier ni le dernier de la journée. Derrière lui, j'enfourche la moto. J'étais sur un Crazy Horse et la Selbé roulait à une vitesse stupéfiante. Lors d'un des écarts de trajectoire à 50 km/h, mon pied heurta un rocher. En sang, il fallut quand même marcher, pousser la moto, traverser des rivières, pour finalement arriver en fin d'après-midi. Au vu de ma blessure et du reste à parcourir, un homonyme, Souleymane Saphir, me déconseilla de continuer, car il restait une montagne à franchir à pied sur 10 km et après 30 km de marche pour arriver à la grande ville. Le surlendemain, je fis le retour avec le même chauffeur. Le trajet fut encore pire, car il voyait arriver face à nous un énorme nuage et le jeune conducteur de 17 ans était obsédé par la peur de rester coincé entre deux rivières. Étant sous l'effet de la cam, il oubliait trop vite mes ordres de se calmer. En conséquence, lors d'une des nombreuses chutes, le porte-bagages m'ouvrit la cuisse sur 10 cm et quelques kilomètres plus loin, je restais coincé sous la moto dont le pot d'échappement me brûla le mollet. De retour au village du ruisseau Léoal, je repris la route du village de la vallée aux épinards en boitant des deux jambes. Il me fallut 3 mois pour m'en remettre et les douleurs sur les 30 km à pied me firent jurer de ne plus jamais reprendre une moto. De retour au village, il fut décidé de me construire une maison en paille sur le futur lieu du haut fourneau. Ce fut fait en 3 semaines, j'en étais fière. Elle était de toute beauté, verte puis jaune. Elle avait été bâtie par le fils de l'imam charpentier, qui lui était le boulanger meunier boutiquier. Il était appelé Amadou Boutique, et c'était une force de la nature. 2 mètres, 100 kilos, 35 ans, 5 enfants, monogame avec une très bonne épouse. Je l'ai vu porter des charges de 100 kilos sur sa tête. En plus, il était loin de n'être qu'une montagne de muscles. Il avait aussi le génie de la construction. À cette occasion, il avait choisi de faire un nouveau type de maison, pas une hutte ronde. Elle était rectangulaire, de 5 mètres sur 3, avec un toit entièrement en herbe, y compris les murs, le tout sur un monticule de terre battue. Bien sûr, moi et Karim Tailleur l'avons secondé. Prix, 25 000 francs CFA, soit 40 euros avec un lit. Enfin au sec. Nous sommes au mois d'octobre, et c'est le moment de brûler l'herbe. Elle pourrait être fauchée, mais le manque d'outils en fer et de granges, donc de tôle et de poutres en fer, ne permettait pas cette pratique. Cette herbe est de la même espèce de graminée qu'en zone tempérée, mais avec les pluies et la chaleur, elle atteint 4 mètres par endroit. C'est un véritable calvaire pour la circulation des hommes et des animaux. Alors quand les bergers descendent des montagnes, ils mettent le feu à la brousse. Du côté de ma mère, dans les Alpes, les troupeaux poussés par le froid et la neige vont se réfugier dans les plaines durant l'hiver. Ici, c'est pareil. L'hiver, saison sèche, il ne pleut pas pendant 5 mois. En altitude, la chaleur est tellement forte qu'aucun brin d'herbe ne subsiste. Les troupeaux descendent donc se réfugier vers les rivières où l'humidité fait repousser l'herbe après le passage du feu. Les cendres tombent comme des flocons de neige et le paysage change radicalement de couleur en passant du vert jaune au noir. En quelques jours, les incendies traversent les collines et les montagnes. Je ne remercierai jamais assez Karim Tailleur, car c'est lui qui m'a appris à vivre dans la jungle brousse. Par exemple, précaution indispensable quand on vit dans une maison en paille, c'est de brûler tous les alentours de sa maison, car les incendies sauvages arrivent à toute vitesse avec des flammes de 10 mètres de haut, face auxquelles la seule option est la fuite, sans critiquer la démarche du colibri. Alors Karim est venu et il m'a dit « brûlons l'herbe ». La technique est la suivante. Pour contrôler la progression du feu, il est mis après le coucher du soleil. Ainsi, la fraîcheur et la rosée vont l'éteindre naturellement après quelques heures. Pour contrôler la direction, il faut prendre en compte le vent, la pente et s'équiper d'une branche d'arbre bien verte et feuillue. Une fois que le feu est lancé, c'est la course. Il faut frapper avec la branche les flammes progressant vers le bas, la maison. L'incendie monte très vite sur la colline, mais le feu descendant peut être éteint à condition que les rafales de vent ne changent pas de sens. C'est autant stressant que chaud. Enfin, après 2 heures à courir dans la fumée, un bain est indispensable. Mais avant de plonger dans le yim, vous pourrez être sûr que les moustiques ne vous piqueront pas, car l'odeur de la cendre est le meilleur répulsif de ce parasite et le feu le premier insecticide. Mon foyer étant hors de danger des incendies, je pouvais poursuivre mon projet de haut fourneau. L'étape primordiale, avant de couper plus d'arbres, était de les remplacer par une plantation d'eucalyptus. Ces arbres sont ceux qui poussent le plus vite au monde et peuvent atteindre 30 mètres de haut en quelques années. J'avais acheté plus de 40 000 graines et je commençais par en faire pousser 600 dans une pépinière. C'est un travail de longue haleine, mais indispensable, car ce type de haut fourneau brûle du charbon de bois en quantité. D'après mes calculs, un haut fourneau peut fonctionner indéfiniment avec 7 km² d'eucalyptus. C'est-à-dire, quand le premier kilomètre carré a été coupé après 1 an de fonctionnement, il est immédiatement replanté, puis sera recoupé 7 ans après, etc. Déforestation ? Non. Cette pratique va faire augmenter la masse végétale pour 2 raisons. La première, c'est qu'au début, ces arbres sont plantés en bordure de forêt. Le bois va donc gagner sur l'herbe des pâturages car à l'heure actuelle, les feux de brousse font reculer la forêt. La deuxième, les arbres originels de la forêt, qui auront été coupés pour le charbon, seront remplacés et replantés d'une façon plus productive. Plus serrés et bien alignés, la densité de bois au mètre carré sera augmentée. En bénéfice, pour le monde, une plus grosse production d'oxygène. Baisse de la biodiversité ? Oui, puis non. Les villages alentours sont en train de grossir, conséquence de la paupérisation. Et c'est eux qui imputent le plus sur la diversité. Pour répondre à leurs besoins en construction et chauffage, les habitants coupent toujours les mêmes essences et vont les chercher de plus en plus loin dans la forêt. Les plantations d'eucalyptus leur offrent une substitution pratique, car la population peut aussi bien les utiliser pour leur foyer que pour bâtir leur maison. En bénéfice, pour les éleveurs, ils auront de belles poutres pour construire leur future grange à foin. Fin des coupes sauvages par une barrière végétale, attaquable par les bûcherons d'un côté, et épanouissement paisible de la nature de l'autre, donc, au final, plus de vie des deux côtés. Ici, je vivais dans la nature, donc bien placé pour en parler. Mais même si je plantais les 40 000 eucalyptus pour ensuite en faire du papier, je n'en aurais jamais assez pour vous décrire sa beauté et sa dangerosité. Néanmoins, j'en ferai quelques apartés. C'est la jungle. N'en déplaise aux auteurs classiques qui n'ont comme référence que les cirques de la Rome antique, ce n'est pas un roi qui règne sur la jungle, c'est une reine. Plus que les crocs et les griffes, ce qui fait peur à tous ses habitants est une bête très commune. Ici, il y a des milliers d'espèces de fourmis, de 3 cm à 2 mm. Mais l'une d'entre elles est tout particulièrement terrifiante, la fourmi rouge, Namia. Elle fait 1 cm et compte dans ses rangs un grand nombre de guerrières avec des mandibules de 3 mm. Une horde de ravageuses qui n'a ni itinéraire ni maison. Elles squattent les autres fourmilières après en avoir dévoré la population. Pour satisfaire leur appétit, tous les 2 ou 3 jours, elles se déplacent d'une 50aine de mètres. Je les avais croisées quelques fois dans les alentours, mais cette nuit-là, alors que j'étais dans un sommeil profond, ma maison s'est trouvée sur leur parcours. Une piqûre et une sensation d'être chatouillée me réveillèrent. J'ai vite fait la relation entre les piqûres qui se multipliaient, mes mouvements et les fourmis. La lampe torche, vite. Sur ma couette marchaient des milliers de fourmis. En les éjectant, je vis qu'une centaine me piétinait et me mordait déjà. Avant d'effectuer un repli stratégique en zone pacifiée, comme l'écrirait un journaliste, mais qui dans la réalité est mieux traduit par « dans une panique totale avant de fuir le plus vite et le plus loin possible », j'ai éclairé le sol. Il était recouvert d'un tapis rouge. Où que je pointe ma lampe torche, ça grouillait, tout bougeait, partout, du sol au plafond. Le seul objet un peu moins recouvert était un petit tabouret au milieu de la pièce. Je pris appel dessus et plongeai pour défoncer ma porte de l'intérieur. À l'extérieur, je me suis déshabillée plus vite que je ne l'ai fait pour aucune femme. Nue. Je les enlevais une par une. Hyper agressives. Quand leurs crochets se sont enfoncés dans votre peau, elles s'agitent comme des folles pour faire le plus de dégâts possible. Tenaces, si vous ne les retirez pas en les prenant par la tête, celle-ci se décroche du corps et continue à injecter son acide. Douloureuses, voire mortelles, elles sont capables de tuer un rat ou un serpent, mais de mon expérience humaine, une morsure de cette espèce de fourmi vous brûlera au moins pendant 2 jours. Cette nuit-là, j'en certifie 100. Des années après, en écrivant ces lignes, ça me gratte, j'ai l'impression qu'il y en a encore. La nature était passée me faire ses salutations en me rappelant que le nombre est la force majeure. Respect. Bilan de la leçon. Rongé et transi de froid, je me retrouvais à poil avec mes voisines rescapées, sauterelles, araignées, qui vivaient alors sous mon toit. Sans préavis, nous avions été expulsés de notre domicile. Une demi-heure après, je m'aventurais à l'intérieur, où je constatais qu'il ne restait pas un être vivant. Les reines de la jungle avaient tout nettoyé, même leurs propres cadavres. Ensuite, après ce cauchemar en vrai, impossible de retrouver le sommeil. Cette nuit-là, je pensais avoir connu le plus horrible des réveils, et pourtant, 1 an plus tard. Novembre, le temps des cow-boys est venu. Si vous pensiez que les westerns n'étaient plus d'actualité, détrompez-vous. Les troupeaux et les bergers ont fait des centaines de kilomètres en quête de verts pâturages. Ils viennent de partout, et plusieurs milliers de bovins envahissent la vallée. Ces centaines de gardiens de troupeaux sont en grande majorité des jeunes hommes célibataires entre 15 et 25 ans. L'ambiance change totalement. Le village sort de son autarcie. La population quintuple et les jours de marché, elle peut dépasser le millier. Il y a maintenant 4 restaurants, 2 bordels, 5 boutiques, de multiples lieux de vente de boissons alcoolisées, les saloons. Il y a des fêtes toutes les semaines. Les routes ont été réparées et on peut maintenant aller du village à la ville en moto. Ces montures à roues sont les nouvelles diligences. Elles arrivent avec des nouveaux et repartent avec des sacs de maïs. Bien que ces chauffards ne puissent pas rouler sur le sentier de ma maison, ce sentier était populaire. Il était utilisé quotidiennement par des dizaines de piétons. Aucun d'eux ne parlait français et les discussions se limitaient le plus souvent aux salutations. Je leur offrais un siège, un bout de crêpe avec un verre d'eau et j'en profitais pour apprendre quelques mots. C'était sympa. Sous le soleil et malgré les odeurs de bouse, mes conditions de vie s'étaient nettement améliorées. Je commençais à m'intégrer et à être intégrée par l'environnement. C'est peu dire. Démonstration. Après quelques mois de résidence, à chaque fois que j'avais la sensation que des personnes allaient arriver, 2 minutes après, une personne arrivait. C'était magique. Ou, mon esprit scientifique ne pouvait pas s'arrêter à ça. Donc après analyse, je me suis aperçue que lors de mes déplacements, le bruit de la jungle était différent de celui que j'entendais autour de la fonderie. C'est ainsi que la population avait baptisé mon campement. L'explication était simple. Les animaux, notamment les oiseaux, émettent des sons d'alerte au passage des hommes. Et ce signal est répercuté sur des centaines de mètres. Or, dans le proche environnement de ma maison, le vivant me connaissait et ne m'assimilait plus à une menace. Donc les oiseaux, entre autres, ne lançaient plus d'alerte. Mon subconscient avait donc intégré la langue de la nature avant ma conscience. Après quelques années de pratique, j'arrivais même à savoir le type de prédateur en approche. Aigle, panthère. Avec plus de temps, la nature m'aurait même chuchoté le nom de la personne qui arrivait. Bien sûr, chut, ce n'est pas la seule explication possible, car plus j'y vivais, et plus l'espace devenait magique. J'avais toujours plus de questions que de réponses, mais toujours moins de problèmes que de solutions. Ma curiosité était sans limite, et je restais ouvert au monde. Mais dans ce merveilleux, rares étaient les interlocuteurs présents quand je voyais un nouvel animal. Donc mon apprentissage de leur nom commun était impossible. Or, pour mon fonctionnement psychique, j'avais la nécessité de les relier à des concepts. Je les nommais donc en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, toujours au niveau des oiseaux, il y avait le clown, dos et ailes bleu métal, ventre et tête jaune, bec rouge. Le Stendhal, rouge et noir. Le F-16, capable de faire un demi-tour en une seconde. Le Sergio Leone, musique du film Le Bon, la Brute et le Truand. Et beaucoup, vraiment beaucoup d'autres ovnis, oiseaux volants non identifiés. Dans la jungle tropicale, la diversité et la quantité de vie sur un mètre carré surpassent de 10 fois celle d'un mètre carré d'une forêt en zone tempérée. C'est l'essence de la richesse. Chaque jour, la vie me surprenait. Au début, j'étais comme un enfant. Après, j'ai dû me forcer à ne pas entrer en extase devant chaque espèce bizarre, car j'avais une priorité, construire un haut fourneau. À partir de novembre, plus de problèmes pour trouver du bois sec. Pour la cuisine, elle se résumait à crêpes et thé froid au petit déjeuner, puis riz à midi et le soir. J'avais fait un bon chemin jusqu'à la rivière où je pouvais maintenant facilement aller puiser de l'eau, faire ma toilette, lessive, vaisselle. J'arrivais à consacrer 4 heures par jour à des tâches de construction, d'amélioration ou de maintenance. La clé, c'est le temps. Le plus important est de choper le bon rythme de vie. D'ailleurs, où que ce soit, c'est toujours le soleil qui impose la cadence. Ici, sous les tropiques, notre étoile frappe tellement fort l'après-midi qu'il est impossible de travailler à l'extérieur. La routine était donc 8 heures levée, 9 heures à 11 heures travail, 11 heures à 16 heures repas, sieste, travaux d'intérieur, 16 heures à 18 heures travail, 18 heures à 20 heures repas, 20 heures à 22 heures lecture, coucher. À cette époque, les 2 boulots importants étaient des constructions massives de part et d'autre de ma maison en paille. Bâtie un peu plus en hauteur, ma future maison d'habitation était surmontée de l'ancien toit de mon fourgon en fibre de verre et ses murs étaient en pierre et torchis. Bâtie en contrebas, un petit fourneau d'essai, 1 mètre de haut, abrité par une construction en bois et en paille. Ce four servait à tester la teneur en fer des roches aux alentours et sur ce point, j'étais inquiet. J'avais fait 10 000 km en Afrique, et sur ma route, j'avais vu du minerai de fer de partout. Quand je dis partout, C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu plus de 10 km sans que je n'en ai vu. Les pierres ou les terres rouges avec lesquelles les routes africaines sont faites sont du minerai, la latérite. C'est la rouille, le fer oxydé, qui donne cette couleur rouge, orangée, jaune. Après avoir montré aux habitants les très nombreux échantillons récoltés en chemin, ils dirent tous qu'il n'y avait pas ce type de pierre dans la vallée. Le doute était semé et il commençait à pousser. Surtout qu'après avoir exploré les environs, je confirmais. Il y avait toutes les couleurs possibles de pierres, noires, blanches, bleues, vertes, jaunes, violettes, mais pas des rouges. Pour l'anecdote, concernant l'appellation des couleurs dans la langue Fulfulde, ici, hormis noir et blanc, on dit couleur plus indéterminant. Par exemple, couleur ciel, couleur herbe fraîche, couleur herbe sèche, couleur sang. Finalement, c'est plus précis. Pour mes pierres, j'ai entendu dire couleur femme. Il faut comprendre rouge menstruation, qui est globalement le même partout. Malgré l'absence de minerai bien identifié, je continuais à construire le petit four, tout en essayant de comprendre cette anomalie. Je poursuivais par l'analyse de mon environnement. J'étais au pied du plus gros et du plus haut des volcans. Il est appelé le Mont aux oiseaux et culmine à 1800 mètres d'altitude. Actuellement, cette chaîne de montagnes volcaniques est en sommeil paradoxal. Si elle se réveillait, ce serait un cauchemar. Pour l'instant, des signes visibles de sa vitalité étaient les traces d'activités souterraines qui parsèment les alentours. Par exemple, à 10 km, la montagne qui fume, Osere Taba, Osere signifiant montagne. Beaucoup plus proche, il y avait à 30 mètres de mon campement, exactement de l'autre côté de la rivière, le site de l'eau qui bout. Cette source remonte des entrailles de la terre à une température de 30 degrés et est effervescente. En contrebas de la première mare, l'eau calcaire a formé des petits bassins qui se vident les uns dans les autres, ce qui forme des mares jusqu'à la rivière Yim. C'est très joli. Karim Tailleur m'avait dit que les guérisseurs faisaient boire cette eau pétillante aux personnes souffrant de fatigue. Je pensais qu'il rigolait. La mare dans laquelle l'eau surgissait était remplie de petites algues rouges, oranges et vertes fluo avec des nappes d'huile flottant sur les bords. Une personne censée n'y aurait même pas trempé un orteil, alors la boire. Pourtant, après quelques mois, je constatais que tous les animaux allaient y boire, y compris les vaches assoiffées qui traversaient la rivière pour s'y abreuver. De mon côté, j'étais tout le temps malade, avec des maux de tête, des diarrhées, des maux de ventre, des boutons énormes. Un jour, je me décidai donc à aller sur l'autre rive pour y goûter. Si on prenait soin de ne pas brasser les algues rouges du fond, elle était parfaitement limpide. Il me fallut beaucoup de courage pour porter le verre à mes lèvres. À la première gorgée, mon cerveau rendit sa réponse, badois, voire bien meilleure. Je la baptisai l'eau d'As, en souvenir de ce jour. Elle devint ma boisson quotidienne et favorite, surtout en soda, quand une fois refroidie, elle était agrémentée d'un jus de citron et de sucre. Effectivement, cette limonade bio me redonna santé et dynamisme. J'avais prévu 2 ans pour construire et mettre en fonctionnement le premier haut fourneau. Lorsqu'en mars, les premières averses arrivèrent, j'avais heureusement terminé le toit protégeant le petit four d'essai ainsi que les soufflets pour propulser l'air à l'intérieur. Parallèlement, j'avais aussi produit 4 sacs de charbon, de 100 litres chacun. Ce combustible en carbone pur me permit de réaliser les premiers essais sur le minerai des potentiels lieux de mine. J'avais choisi de faire fondre des pierres qui me semblaient être riches en fer. Les résultats ne furent pas fameux car ça ne chauffait pas assez. Cependant, loin d'être découragé, je continuais à dégager les emplacements futurs du moulin et du haut fourneau. En plus, les eucalyptus étaient prêts pour être transplantés. Plus d'une centaine le furent avant l'enchaînement des événements tragiques qui vont suivre. Nous étions mi-mars. C'était le bonheur. Mais alors que j'étais en train de repiquer des eucalyptus, une 20aine d'hommes armés arrivèrent. Il y avait des mercenaires, des guides et des représentants de l'État néocolonialiste camerounais, au titre d'adjoint au maire, d'agent des eaux et forêts et de chef de la police du secteur. Après leur avoir fait remarquer qu'ils avaient franchi leurs frontières, donc qu'ils se trouvaient maintenant sur un territoire défini par les colons comme le Nigeria, ils me présentèrent la situation de la façon suivante. « Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous. Nous venons régler un problème de pâturage au village du Mont Oyen. » Un mensonge, car ils firent 1 kilomètre, attendirent 2 heures et firent demi-tour. À leur retour, ils me dirent avoir réglé le problème, sans me dire qu'ils n'y étaient pas allés. et qu'il trouvait bizarre que je prétende être au Nigeria au vu de la situation du village du Mont Oyen, 4 kilomètres plus à l'ouest. Puis, ils repartirent vers la ville de Banyo. Les villages alentours n'avaient jamais vu une telle expédition, et beaucoup, moi y compris, pensaient qu'ils étaient venus pour voir où je m'étais installée. Comme je l'ai déjà écrit, une ou deux personnes du Mont Oyen n'étaient pas très contentes de mon implantation ici. Le problème était le suivant. Les habitants du village étaient d'origine camerounaise. Il y a une trentaine d'années, ils sont venus s'installer dans le parc national Gachaka du Nigeria. 15 ans après, suite à une coupe d'arbres, les gardes forestiers nigérians ont fait une expédition punitive. Formés, armés, payés et autorisés par les Occidentaux, leur stratégie de matage est la même sur tout le continent africain. C'est-à-dire qu'ils ont encerclé le village et l'ont pris d'assaut. Puis ont regroupé tous les hommes. Ensuite, ils les ont fouettés et humiliés un par un. Après coup, ils ont violé les femmes et les jeunes filles, puis se sont installés dans le village. Prenez en compte qu'en Brousse, ce genre d'expédition est monnaie courante, y compris de la part des fonctionnaires camerounais, et que ces 10 fonctionnaires sont originaires d'autres régions, souvent lointaines. Durant leur supplice, un des hommes du village a pu s'échapper. Il est ensuite allé demander de l'aide aux autorités camerounaises à Ngaoundéré. Le gouverneur dépêcha des militaires qui se sont mis en marche depuis la ville de Banyo. Mais après une semaine de terreur, les gardes armés par les anglophones du Nigeria quittèrent le village. Certains disent qu'ils ont été prévenus que des hommes armés par les francophones arrivaient pour les déloger, ce qui aurait été un incident diplomatique. Cependant, les militaires camerounais ne sont jamais arrivés au village du Mont Oyen. Ils ont fait demi-tour sur le col 5 kilomètres avant le village. Les soldats ont dû stopper pour ne pas franchir leurs frontières. Certains disent qu'ils se sont aperçus qu'il y avait méprise sur le nom du village, car il existe 3 villages portant le nom Oyen. On comprend aisément qu'après cet épisode traumatisant, le village du Mont Oyen, à l'ouest de la fonderie, ait décidé de payer ses impôts à l'administration camerounaise. C'est également pourquoi, depuis 10 ans, des habitants ont décrété que la frontière passait par la montagne qui fume. Effectivement, personne ne conteste que cette officieuse frontière représente la zone d'influence des chefs traditionnels, mais elle n'a aucune réalité nationale. Maintenant, vous pouvez comprendre que l'homme du village du Mont Oyen, qui était allé chercher de l'aide, n'était pas très content de ma venue. Car cela pouvait faire ressurgir ce problème foncier et frontalier. La merde. Pour être sûr, je suis allée jusqu'à la montagne qui fume, pour voir si mes photos satellites des frontières nationales pouvaient correspondre avec celles traditionnelles. Là-haut, jolie vue, mais aucune correspondance, donc aucun doute. La frontière officielle avait été imposée à 100 mètres en amont de mes constructions. Les problèmes de bétail ne sont jamais réglés par les gouvernements. Ici, il existe une organisation sans frontières, une police privée, qui dépend directement des rois percevant les impôts sur le pâturage. Après en avoir discuté, l'initiative de cette expédition étatique ne pouvait pas venir du village du Mont Oyen. De plus, j'étais passé discuter avec eux en allant à la montagne qui fume, et ils m'avaient bien reçu. La confirmation que l'origine des ordres venait de l'administration camerounaise se pointa 10 jours après. En n'ayant surtout pas pris la peine de vérifier sur une carte mes dires, qu'ils savaient être vrais, l'adjoint au maire est revenu avec 2 commandants de gendarmerie et la mission préfectorale de m'amener de force à Banyo. Après une discussion très vive, ils en sont venus aux mains. Mais quand ils ont vu que je commençais à serrer les poings et qu'ils allaient se faire percuter, ils sont devenus plus réceptifs à mon argumentation. J'ai pu leur expliquer que je m'étais installée en fonction des photos satellites. Je leur ai donné un CD-ROM contenant ces photos satellites. Aux coordonnées 7,32 degrés de latitude et 11,88 degrés de longitude. De plus, je leur ai promis que s'ils me faisaient parvenir une carte du Cameroun, où je pourrais voir que je m'étais installée sur leur territoire, j'irais de moi-même m'excuser à la préfecture. Je tiens toujours ma parole. Cela semblait raisonnable aux 2 gendarmes. L'adjoint au maire n'eut d'autre choix que de dire. Comme toutes les communes du monde, la mairie de Banyo a cette carte et je te l'enverrai, via motoman. Ils repartirent. 4 jours plus tard, à défaut de carte, les autorisés de Banyo m'ont envoyé 4 militaires de la tristement célèbre brigade d'intervention rapide, BIR. Qui sont-ils? À l'origine, ce corps d'armée fut créé pour faire la guerre aux coupeurs de route. Une partie des membres de la BIR ont été sélectionnés pour leur aptitude à la violence et directement dans les prisons camerounaises. Attention, quand ils parlent de guerre, en réalité, c'est plus du massacre. pas de convention de Genève dans le cas de terrorisme. En quelques années, les brigades d'intervention rapide ont physiquement exterminé les coupeurs de route qui dressaient des barrages sur les routes pour détrousser les voyageurs. C'est-à-dire qu'une infime partie de ces bandits sont arrivés en prison. Malheureusement, après, les brigades n'ont pas été dissoutes. Elles ont pris la place des coupeurs de route et servent à l'heure actuelle à terroriser la population. Officiellement, leurs nouvelles missions sont le recouvrement des impôts et le maintien de l'ordre. Pour le dire plus simplement, elles sont utilisées quand un fonctionnaire veut plus d'argent. Ce sont en brousse les spécialistes des lynchages, des meurtres. La base qui maintient le capitalisme mondial, la mort. C'est le bon endroit pour inscrire, ad vitam, que si j'apprenais que suite à mes écrits, des représailles avaient lieu sur les villages où n'importe quelle personne citée dans cette autobiographie, je me ferais un devoir de la venger, ici, en France. Il n'y a aucune discontinuité entre ici et là. La vie d'un lecteur ne vaut pas plus que la leur d'illettré, et je jure sur ma vie que ma vengeance n'aurait de limite que ma mort. Je sais que je mets en péril beaucoup de vies, mais je fais le choix d'informer sur la réalité. Prenez conscience que ce qui est arrivé au village du Mont-Oyenne n'est pas grand-chose par rapport aux opérations militaires actuelles. Dans d'autres villages, ils n'ont eu personne d'officiel à aller chercher. En vous informant un peu, vous pourrez apprendre qu'aujourd'hui, certains villages sont rasés et leur population est décimée par les autorités, à la solde des multinationales, des ex-colonisateurs. J'en connais assez sur la politique locale pour espérer que cela n'arrive pas aux villages de cette vallée. Cependant, au vu des milliards que la société française et d'autres investissent pour essayer de détruire ou pousser les organisations traditionnelles à s'entretuer, il y a un risque. Néanmoins, que le système prenne en compte que je suis un risque. Il ne faudra pas dire que c'est du djihadisme. Aussi, si je décide de mourir et ou de tuer, ce ne sera pas pour un dieu argent, mais pour la vie et tout spécialement pour l'humanité. Mon but minimum étant que mon existence produise plus de vie que de mort, sur l'infini des temps, éternam. Alors attention, être globalement rentable en vie n'exclut pas de tuer pour y parvenir. Bien au contraire. C'est être responsable. Par exemple, la vengeance est un investissement nécessaire et à long terme contre ceux qui profitent de la mort. La mort pour la mort. Ceci étant gravé sur le marbre de ma conscience. Les habitants alentour m'ont prévenu de l'intervention imminente d'une brigade, car ils sont plus rapides que la brigade d'intervention rapide. Un villageois est arrivé en courant. Il m'a donné ma machette en disant « Bir, bir, va dans la forêt ». Au vu de la terreur qu'il y avait dans ses yeux et de sa carrure, il y avait danger. Départ immédiat pour les bois, pendant que lui les contournait en traversant la rivière. Je gravis la colline, surplombant la fonderie, pour observer ce qui se passait au niveau du campement. J'étais vêtue d'un t-shirt blanc qui ressortait sur la couleur verte des pâturages. Après l'avoir ôté, je pus me rapprocher suffisamment pour voir qu'effectivement, des hommes étaient en train de fouiller autour de ma maison. Conscient, je retournais dans la jungle pour attendre la nuit. Le soleil étant couché, je pris un des chemins secondaires pour me rapprocher discrètement de mon campement. Tapis dans l'herbe, à 30 mètres de ma maison, je pouvais les entendre chuchoter à l'intérieur. Il était 21h, il commençait à faire froid, 15 degrés, et l'obscurité était totale. Pour ne pas mourir d'hypothermie, je décidai donc de rejoindre le village aux épinards. Marcher sur les chemins à cette heure et sans lampe torche est un exercice périlleux. Cependant, j'avais pris ce chemin plus d'une centaine de fois, donc j'aurais pu le parcourir les yeux fermés. C'était sans compter sur les fourmis. À un quart d'heure du village, j'ai marché sur une de leurs nombreuses colonnes. Je me déshabillais et pendant 10 minutes je les ôtais une par une. C'est un exercice facile même dans l'obscurité. Épouillé, j'avais remis mon t-shirt et je tenais mon pantalon dans une main et dans l'autre ma machette. J'étais à quatre pattes, en train de tâtonner sur le sol pour trouver ma deuxième chaussure, quand un faisceau de lampes torches m'éclaira. Je me redressai en saluant en homme ce que je croyais être des chasseurs. Aveuglé, je ne voyais pas mon interlocuteur, ni le nombre de colosses qu'il y avait derrière lui. Une voix me répondit « Monsieur Khan ?» Dans les alentours, personne ne m'appelle ainsi. Donc « Bir !» J'ai crié non, en me retournant et en commençant à courir. Derrière moi, elle cria « Arrêtez-vous, c'est pour votre sécurité. Puis arrêtez-vous ou on vous tire dessus. » Il y a certains moments dans la vie où on sait très exactement ce que l'on a pensé. À cet instant-là, c'était « Il me demande de m'arrêter pour ma sécurité, puis il veut me tirer dessus, logique, il vaut mieux pas qu'il m'attrape. » J'avais pris l'option de monter tout droit dans la montagne. J'avais une vision clignotante du terrain, car il s'était lancé à ma poursuite. En m'éclairant, il me permettait deux choses. De voir de temps en temps ce qu'il y avait devant moi, et surtout de savoir la distance à laquelle il se trouvait derrière moi. Au bout de 200 mètres d'une pente abrupte, je n'avais plus de souffle, et ils étaient à 5 mètres derrière moi. Je fis un tournant à 90 degrés pour courir à l'horizontale. Je connaissais le terrain. Lorsqu'il y a de l'herbe haute et sèche, il y a en dessous une crevasse de ruissellement. L'humidité du trou ayant permis aux tiges de ne pas brûler lors du passage du feu, elles sont des pièges naturels. Après avoir fait 3 sauts, je commençais à les distancer, mais ils me voyaient encore. L'herbe est devenue très haute, ce qui indiquait que nous arrivions au ruisseau. J'avais suffisamment observé les singes pour savoir ce qu'il fallait faire. J'écartais les bras et je plongeais à plat dans le précipice. Les lianes m'arrêtèrent à 1,50 m des rochers tapissant le fond. Mes poursuivants n'ont pas eu ce culot. Je les entendais essayer de contourner l'obstacle pendant que je remontais sur l'autre versant du ruisseau. Arrivé en haut de la berge, je vois un faisceau lumineux à 50 mètres devant moi. J'enlève mon t-shirt et je m'assois sous un arbuste très feuillu. Pendant une heure, je les ai tranquillement observés en train de me chercher. Je tenais ma machette prête à trancher. Bon à savoir, leur technique est simple. Ils fouillent dispersés pendant 10 minutes chrono, puis ils s'immobilisent simultanément et pendant 2 minutes, ils écoutent s'il y a des bruits de mouvement de la personne traquée. Puis, ils recommencent à fouiller. C'est un jeu de patience que j'ai gagné. Après avoir appliqué leur tactique sans résultat, ils se sont regroupés. Une cigarette fut allumée. La tige se consumant, c'est sa braise qui me permit de savoir qu'ils continuaient leur route en direction du village. En s'éloignant, sa lueur devint rikiki et disparut. Cher Bir, n'oubliez pas d'agréer mes salutations majeures. Bilan, une chaussure de perdu et un pied en sang. Pendant une heure, j'ai réfléchi en regardant la lune qui se levait. Logiquement, je décidais de rentrer à la fonderie, mais j'avais deux questions. Combien était-il au total? Y en avait-il encore caché à l'intérieur de la maison? Je repris donc un chemin secondaire. Mais au lieu de rentrer dormir dans ma maison principale, je montais très doucement et silencieusement sur la petite mezzanine de ma maison en construction à 5 mètres de ma maison en paille. Là-haut se trouvaient un matelas et des vêtements dans un espace de 70 cm de haut. Dans la brousse, il n'y a pas de maison à deux étages pour de multiples raisons, comme la fumée. Or, ayant ramené le toit de mon ancien fourgon, ayant cette expérience, j'avais créé, comme du temps où j'étais nomade, une petite chambre entre le toit et le plafond. C'est là que je pus me reposer au chaud. À 6h du matin, j'entends « cancan », qui se traduit sous d'autres latitudes par « toc-toc ». Cette brigade de tocards était revenue du village. Ils étaient en train de vérifier si j'étais rentré dormir chez moi à côté. Personne. Chez moi, c'est bien plus vaste qu'ils pouvaient l'imaginer. Ensuite, les militaires tournèrent autour, mais en dessous de mon lit, où ils ont pu voir que personne ne dormait sur le sol. À ce moment, à 30 cm au-dessus d'eux, je pensais « Merde, j'ai laissé ma chaussure en bas de l'échelle. Ils vont se rappeler qu'elle n'y était pas hier. » Eh bien non. Décidément, ils n'ont pas été embauchés pour leur qualité d'observation. Ou alors l'alcool et les drogues les ont rendus aveugles. Le problème est à voir avec le SAV, les colosses sont périmés. Ils commencèrent à discuter de moi à 3 mètres de moi. En gros, ils voulaient se cacher dans la montagne et m'attendre en surveillant le campement à la jumelle. Là, j'étais coincé. Je ne pouvais pas sortir de ma planque sans me faire repérer. Autant la nuit il fait froid, autant le jour il fait chaud, et surtout sous un toit en fibre de verre. Sans eau et sans nourriture, la température est sûrement montée à plus de 50 degrés. Pendant mon séjour allongé, j'ai eu le loisir de comprendre pourquoi en temps de guerre, une des punitions infligées aux prisonniers récalcitrants était d'être enfermé sous le soleil dans une petite cabane en tôle. À cause de la chaleur, j'ai eu des hallucinations auditives. Ce fut stressant. Car toute cette journée, j'ai entendu où il m'a semblé les entendre rôder. Je restais constamment en alerte, prêt à éviter des couteaux qui transperceraient mon matelas et à trancher la tête qui s'aviserait de pousser l'inspection. Cependant, mon analyse de la situation était la suivante. La veille, je les avais croisés sur le chemin à 22h, donc je ne devais pas sortir avant. À 22h30, après plusieurs heures de silence, j'ouvris doucement la porte de ma maison. Personne. seulement une lettre posée sur mon lit. Il y était écrit « Nous vous conseillons de répondre à l'invitation du préfet, ou notre prochaine visite risque d'être beaucoup plus douloureuse. » Le commandant des Bires. Cette lettre est conservée dans les archives des services secrets camerounais. Étanchant ma soif et en avalant des beignets, je me posais une question. Ils allaient revenir, mais quand? Demain? Après-demain? Dans un an? Maintenant, ils connaissaient le chemin. Mais si j'allais voir le préfet sans plus de preuves de leur illégitimité, je n'avais aucune chance de pouvoir continuer. Donc je décidai d'aller chercher une autre armée pour les dissuader de revenir. Il faut combattre le feu par le feu. Alors, je choisis de partir alerter les autorités du Nigeria. C'était l'inverse de l'histoire du mont Oyen, mais c'est l'avantage d'être à leur frontière et ou aux leurs frontières. J'ai fait mon sac en prenant tous mes documents, et à 4 heures du matin, j'arrivais au village aux épinards. Je pensais que la brigade s'y était logée, donc par un sentier secondaire, je vais jusqu'à la maison de Karim. Je le réveillais en jetant des cailloux sur sa porte et en chuchotant « Karim, Karim, c'est Souleymane !» Il se leva sans bruit, mais pour ne pas réveiller sa famille. Il m'apprit que les militaires étaient partis la veille. Je sus enfin leur nombre. Ils étaient 4, mais ils étaient venus avec 5 motomènes. Une moto m'était destinée, mais elle est rentrée vide. Petite anecdote, à partir de ce moment-là, quand les villageois voyaient une moto circuler sans voyageurs ni chargement, ils s'écriaient « C'est la moto de Souleymane !» Trêve de sarcasme. Je devais résoudre le problème dont j'informais Karim que je partais sur le champ discuter avec les fonctionnaires du Nigeria. À 5 heures du matin, je fus rattrapé par un habitant du village. Il allait rendre visite à sa famille et comme il connaissait bien les raccourcis, il me proposa de le suivre. En 1 heure, nous arrivâmes au village de sa belle famille au Nigeria. Après l'avoir remercié, je poursuivis ma route jusqu'à Selbé, puis je passai la montagne qui m'avait arrêté 6 mois plus tôt pour arriver au village de Gachaka, où se trouvait l'Office national du parc. J'y reçus un très bon accueil, surtout que le frère de Karim y travaillait. Il était le guide pour les quelques francophones qui visitent ce parc. Nous discutâmes de la situation. Les autorités traditionnelles et officielles confirmèrent mes dires sans toutefois aborder le problème du village du mont Oyen. Les employés du parc me fournirent toutes les cartes qui prouvaient que mes installations étaient sur un territoire ayant été défini comme étant au Nigeria par ceux qui fabriquent leurs armes. Le directeur du parc fit certifier conforme toutes les photocopies en me disant d'aller à la protection civile nigériane de la ville de Gembu, à 100 km. Là, ils confirmèrent également. Et eux m'envoyèrent à Bagno montrer les cartes au préfet camerounais. La route en terre jusqu'au poste frontière fut tumultueuse. Juste avant la nuit, des orages suivis de crues nous obligèrent dans l'obscurité totale à abandonner la moto, traverser à pied les flots déchaînés et trouver refuge dans un hôtel. Le lendemain, il eut des tracasseries avec les douaniers nigérians, surtout car mon chauffeur avait fait un passage en force. Le motoman n'avait pas compris que j'étais en mission officielle et qu'il me fallait leur tampon. Mon passeport enregistré et attestant de ma provenance, je me présentai aux douaniers camerounais, je leur montrai la lettre que m'avaient laissée les militaires de la Bire. Un fonctionnaire téléphona à la préfecture et l'administration ordonna à un agent des services secrets de m'accompagner jusqu'à la ville de Bagno.